87e nuit. Nous marchâmes tous ensemble jusqu'à la ville de Serendib, car c'était dans cette île que je me trouvais. Les Noirs me présentèrent à leur roi. Je m'approchai de son trône où il était assis et le saluai comme on a coutume de saluer les rois des Indes, c'est-à-dire que je me prosternai à ses pieds et baisai la terre. Le prince me fit relever, et me recevant d'un air très obligeant, il me fit avancer et prendre place auprès de lui. Il me demanda premièrement comment je m'appelais. Lui ayant répondu que je me nommais Sinbad, surnommé le marin à cause de plusieurs voyages que j'avais faits par mer, j'ajoutai que j'étais habitant de la ville de Bagdad. « Mais, reprit-il, comment vous trouvez-vous dans mes états et par où y êtes-vous venu ?» Je ne cachai rien au roi, je lui fis le même récit que vous venez d'entendre. Il en fut si surpris et si charmé qu'il commanda qu'on écrivît mon aventure en lettres d'or pour être conservée dans les archives de son royaume. On apporta ensuite le radeau et l'on ouvrit les ballots en sa présence. Il admira la quantité de bois d'aloès et d'ambre gris, mais surtout les rubis et les émeraudes, car il n'en avait point dans son trésor qui en approchasse. Remarquant qu'il considérait mes pierreries avec plaisir et qu'il en examinait les plus singulières les unes après les autres, je me prosternai et pris la liberté de lui dire « Sire, ma personne n'est pas seulement au service de votre majesté, la charge du radeau est aussi à elle, et je la supplie d'en disposer comme d'un bien qui lui appartient. » Il me dit en souriant, « Sinbad, je me garderai bien d'en avoir la moindre envie, ni de vous ôter rien de ce que Dieu vous a donné. Loin de diminuer vos richesses, je prétends les augmenter, et je ne veux point que vous sortiez de mes états sans emporter avec vous des marques de ma libéralité. » Je ne répondis à ces paroles qu'en faisant des vœux pour la prospérité du prince et qu'en louant sa bonté et sa générosité. Il chargea un de ses officiers d'avoir soin de moi et me fit donner des gens pour me servir à ses dépens. Cet officier exécuta fidèlement les ordres de son maître et fit transporter dans le logement où il me conduisit tous les ballots dont le radeau avait été chargé. J'allais tous les jours à certaines heures faire ma cour au roi et j'employais le reste du temps à voir la ville et ce qu'il y avait de plus digne de ma curiosité. L'île de Serendib est située justement sous la ligne équinoxiale. Ainsi, les jours et les nuits y sont toujours de 12 heures, et elle a 24 parasanges de longueur et autant de largeur. La ville capitale est située à l'extrémité d'une belle vallée, formée par une montagne qui est au milieu de l'île et qui est bien la plus haute qu'il y ait au monde. En effet, on la découvre en mer de 3 journées de navigation. On y trouve le rubis, plusieurs sortes de minéraux, et tous les rochers sont, pour la plupart, d'émeri, qui est une pierre métallique dont on se sert pour tailler les pierreries. On y voit toutes sortes d'arbres et de plantes rares, surtout le cèdre et le coco. On pêche aussi des perles le long de ces rivages et aux embouchures de ces rivières. Et quelques-unes de ces vallées fournissent des diamants. Je fis aussi, par dévotion, un voyage à la montagne, à l'endroit où Adam fut relégué après avoir été banni du paradis terrestre, et j'eus la curiosité de monter jusqu'au sommet. Lorsque je fus de retour dans la ville, je suppliai le roi de me permettre de retourner en mon pays, ce qu'il m'accorda d'une manière très obligeante et très honorable. Il m'obligea à recevoir un riche présent qu'il fit tirer de son trésor. Et lorsque j'allais prendre congé de lui, il me chargea d'un autre présent, bien plus considérable, et en même temps d'une lettre pour le commandeur des croyants, notre souverain seigneur, en me disant « Je vous prie de présenter de ma part ce régal et cette lettre au calife Haroun al-Rachid et de l'assurer de mon amitié. » Je pris le présent et la lettre avec respect, en promettant à sa majesté d'exécuter ponctuellement les ordres dont elle me faisait l'honneur de me charger. Avant que je n'embarquasse, ce prince envoya chercher le capitaine et les marchands qui devaient s'embarquer avec moi, et leur ordonna d'avoir pour moi tous les égards imaginables. La lettre du roi de Serendib était écrite sur la peau d'un certain animal, fort précieux à cause de sa rareté, et dont la couleur tire sur le jaune. Les caractères de cette lettre étaient d'azur. Et voici ce qu'elle contenait en langue indienne. « Roi des Indes, devant qui marchent 1000 éléphants, qui demeure dans un palais dont le roi brille de l'éclat de 100 000 rubis, et qui possède en son trésor 20 000 couronnes enrichies de diamants, au calife Haroun al-Rachid. Quoique le présent que nous envoyons soit peu considérable, ne laissez pas néanmoins de recevoir en frère et en ami, en considération de l'amitié que nous conservons pour vous dans notre cœur, et dont nous sommes bien aises de vous donner un témoignage. Nous vous demandons la même part dans le vôtre, attendu que nous croyons le mériter, étant d'un rang égal à celui que vous tenez. Nous vous en conjurons en qualité de frère. Adieu. » Le présent consistait premièrement en un vase d'un seul rubis, creusé et travaillé en coupe, d'un demi-pied de hauteur et d'un doigt d'épaisseur, rempli de perles très rondes, et toutes du poids d'une demi-drachme. Secondement, en une peau de serpent qui avait des écailles grandes comme une pièce ordinaire de monnaie d'or, et dont la propriété était de préserver de la maladie ceux qui couchaient dessus. Troisièmement, en 50 000 drachmes de bois d'aloès le plus exquis, avec 30 grains de camphre de la grosseur d'une pistache. Et enfin, tout cela était accompagné d'une esclave d'une beauté ravissante, dont les habillements étaient couverts de pierreries. Le navire mit à la voile, et après une longue et très heureuse navigation, nous abordâmes à Balsora, d'où je me rendis à Bagdad. La première chose que je fis après mon arrivée fut de m'acquitter de la commission dont j'étais chargée.